L'Épître de Paul aux Éphésiens. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de me rendre à Éphèse. J'ai été frappé par l'étendue de cette ville qui, aux temps apostoliques, devait être l'une des plus imposantes cités du monde antique. C'est surtout le temple de Diane, ou l'Artémis des Grecs, l'une des sept merveilles du monde, qui faisait sa célébrité. Selon Actes 19:35, un magistrat d'Éphèse posa cette question à la foule assemblée. « Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Un météore, probablement tombé à cet emplacement, y était vénéré, un peu comme la fameuse pierre noire de la Mecque l'est aujourd'hui par les musulmans. Aussi, la fabrication des temples miniatures de Diane était-elle l'une des principales industries de la ville? Mais après 20 siècles, que reste-t-il de ce déploiement de grandeur humaine? Un champ de ruines. Sur des kilomètres carrés, l'on voit des colonnades, des vestiges d'allées de marbre et des pans de murs, décombres de constructions dédiées aux dieux païens. Du fameux temple de Diane, il ne reste que quelques fragments de marbre dans un étang. La gloire d'autrefois n'est plus qu'un souvenir. Cependant, à l'époque apostolique, Dieu suscita une église dans cette métropole du monde méditerranéen. De nombreux chrétiens y avaient résolument tourné le dos au monde et à ses convoitises. Ils avaient renié l'idolâtrie et la philosophie païenne pour se tourner vers Jésus-Christ et porter bien haut le flambeau de l'Évangile. L'apôtre Paul fit escale à Éphèse au retour de son deuxième voyage missionnaire. Il y laissa ses compagnons, Aquilas et Priscille, qui rendirent leur témoignage, rassemblèrent des croyants et fondèrent l'église d'Éphèse dans leur maison. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Puis, Paul revint à Éphèse. Après avoir décrit sa rencontre avec un groupe de Juifs, disciples de Jean-Baptiste, le texte d'Acte 19 raconte « Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Mais, comme certains Juifs s'opposaient à son message, Paul se tourna vers les païens et prêcha la parole divine dans une école. Cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Actes 19:10. Il est très probable que cette période particulièrement féconde du ministère de l'apôtre Paul fut à l'origine de la fondation d'autres églises de cette province proche de la mer Égée, appelée Asie. En particulier, les églises de Pergame, Smyrne, Hiérapolis, Laodicée et Colosse. Mais l'action de l'Esprit de Dieu s'accompagne toujours d'une réaction de l'adversaire des âmes. L'opposition se manifesta sous différentes formes. D'abord, Paul dut affronter la sorcellerie, l'exorcisme et l'occultisme. Ces pratiques strictement défendues par Dieu qui font encore tant de victimes aujourd'hui. Mais les livres de magie furent brûlés publiquement, et à ce propos, nous lisons Actes 19-20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Puis, l'adversaire choisit une autre méthode pour s'opposer à l'Évangile. Se sentant menacés dans leur industrie par le christianisme en plein essor, les fabricants des temples miniatures de Diane organisèrent une émeute qui avait pour but de chasser Paul et de faire taire les voix dénonçant l'idolâtrie. Là encore, le Seigneur protégea son serviteur. Dès l'origine, les croyants de l'église d'Éphèse furent donc appelés à souffrir pour leur foi et à prendre position contre le matérialisme, contre l'idolâtrie, contre l'occultisme et la corruption qui les entourait. Mais l'apôtre établit les Éphésiens en Christ. Il les encouragea comme il avait encouragé les autres églises d'Asie mineure, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14-22. Le chapitre 20 du livre des Actes nous raconte aussi qu'au retour de son troisième voyage missionnaire, Paul fit escale à Milet, un port à proximité d'Éphèse. Il y convoqua les responsables de l'Église et leur adressa une dernière recommandation. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Actes 20, 27 à 29. Paul prévoyait que les faux apôtres, ces loups cruels qui troublaient toute l'Église primitive, allaient s'introduire à Éphèse. Et Paul savait aussi qu'il ne reverrait plus ses chers Éphésiens. Mais il leur avait communiqué la saine doctrine capable de les affermir, afin qu'ils déjouent les ruses du diable. Cependant, Paul ne cessait de prier pour eux, et dès qu'il le put, il leur écrivit depuis sa captivité. Il est difficile de savoir si c'est de Césarée ou de Rome que l'apôtre leur envoya son épître. Ce qui est certain, c'est qu'elle fut apportée par Tychique, l'un des collaborateurs de Paul, Éphésiens 6, 21. L'apôtre ne s'y présente pas comme le détenu de César, mais comme le prisonnier de Christ, Éphésiens 3, 1. Il est enchaîné pour rendre témoignage à son Seigneur, et il sait que ces liens peuvent contribuer à encourager les chrétiens qui souffrent pour leur foi. L'Épître aux Éphésiens est comme une charte divine dédiée aux chrétiens de tous les siècles, où chaque mot a sa valeur, où chaque verset est un monument de précision et de concision, et où chaque paragraphe pose de façon irréfutable les bases de la doctrine chrétienne. En 6 chapitres extrêmement denses, l'apôtre dresse de façon magistrale la charpente de l'Église universelle, cet ensemble de croyants de tous les âges dont Christ est le chef. On peut diviser l'épître en deux parties. Les trois premiers chapitres peuvent s'intituler « La position du croyant en vertu de la grâce divine ». Les trois derniers, « La marche, le service et le combat du croyant ». Dans la première partie, l'apôtre montre la position du croyant assis avec Christ dans les lieux célestes. En Éphésiens 1, 15 à 23, il a interrompu son exposé pour présenter sa requête à Dieu afin que les Éphésiens découvrent à leur tour l'espérance qui s'attache à l'appel divin, la richesse de la gloire qui leur est réservée et l'infinie grandeur de la puissance de Christ. Dès le chapitre 2, il reprend son exposé du salut par grâce et de ses conséquences. À la croix, l'œuvre de Jésus-Christ a réuni juifs et païens, les faisant entrer ensemble dans un édifice spirituel, l'Église de Christ. Il s'agit là d'un mystère qui n'avait pas été dévoilé aux prophètes de l'Ancien Testament, ni même aux disciples lorsque le Seigneur était avec eux, mais dont Paul reçut personnellement la pleine révélation par le Saint-Esprit. Aussi, l'apôtre demande-t-il à Dieu qu'il accorde le même esprit de révélation aux Éphésiens. Dans ce chapitre 3, c'est comme si l'apôtre gravissait un sommet et qu'il désirait partager avec ses lecteurs les merveilles du panorama. Puis, c'est le retour en plaine, avec les réalités quotidiennes. Dès le chapitre 4, Paul s'arrête aux aspects pratiques de la vie chrétienne. Le croyant a une vocation. Il reçoit des dons divins pour l'accomplissement de sa tâche. Il est appelé à vivre en homme nouveau, se détournant donc des caractéristiques de la vie sans Dieu. Au chapitre 5, l'apôtre propose aux croyants d'Éphèse la sanctification et la marche selon l'Esprit. Puis, fin du chapitre 5 et début du chapitre 6, il traite du domaine tout pratique des relations entre mari et femme, entre parents et enfants, entre serviteurs et maîtres. À la fin du chapitre 6, Paul invite le croyant à revêtir comme soldat de Christ l'armure spirituelle pour triompher et vaincre en toute situation. L'épître aux Éphésiens est aussi l'épître de l'amour de Dieu. Elle montre l'étendue de cet amour manifesté en Jésus-Christ et les effets de cet amour dans la vie des croyants. Aussi Paul déclare au chapitre 2, versets 4 et 5 « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Paul aspire à voir les Éphésiens affermis dans la grâce divine et remplis de l'amour de leur Seigneur avec tout ce que cela implique. Aussi leur ouvre-t-il son cœur. « Que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens 3, versets 16 à 19. Oui, la vie chrétienne émane essentiellement d'une relation d'amour avec Dieu. Lorsque nous avons été touchés par sa grâce et que nous découvrons quelque chose de l'étendue de son amour à notre égard, notre cœur commence à battre à l'unisson avec le sien. Et si nous éprouvons le besoin de lui prouver notre amour, ce n'est pas pour compléter notre salut, mais pour servir et adorer ce Sauveur auquel nous devons tout. La marche du croyant avec Christ, sa vie de sanctification et de communion avec lui, émane donc d'une relation d'amour. Il n'est pas possible de marcher en nouveauté de vie et de vaincre dans le combat spirituel hors de cette relation personnelle et quotidienne d'intimité et d'amour pour Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Épître aux Éphésiens se termine par cette phrase. « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Amour inaltérable. Notre amour pour Jésus-Christ est-il inaltérable? Plus de 30 ans après que Paul avait rédigé l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Jean, alors prisonnier sur l'île de Patmos, reçut un message de la part du Seigneur Jésus pour cette même église d'Éphèse. La deuxième épître aux Éphésiens est donc incorporée à l'Apocalypse au début du chapitre 2. Le Seigneur reconnaît les œuvres, le travail, la persévérance de l'église d'Éphèse, mais il ajoute ce reproche. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, 4. Les Éphésiens avaient tout reçu, mais au fil des années, ils avaient abandonné leur premier amour. Le feu avait cessé de brûler dans leur cœur. Les formes de piété s'étaient substituées à la vraie vie et l'église d'Éphèse s'était cristallisée dans l'observation d'une tradition religieuse. Il me semble qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus se tourne vers moi et peut-être vers chacun de vous, enfants de Dieu, pour me dire, pour vous dire, à titre personnel. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souvenons-nous de notre point de départ avec Dieu, du jour où nous nous sommes convertis en acceptant Christ comme notre Sauveur personnel. Nous découvrions alors l'amour de Dieu et notre cœur brûlait pour le servir. Mais qu'en est-il aujourd'hui? En cet instant, ne voulons-nous pas nous recueillir dans la prière pour demander au Seigneur qu'il fasse revivre en nous ce premier amour? L'Écriture dit, Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse.